images dans ma tête, je voyage sur mon téléphone. Des billets colorés pour faire croire que le monde est fun. Comme toi, je suis victime de la vie et ses caprices. Parfois, ça me relance comme une vieille cicatrice. J'ai voyagé dans la soute, en écho, en classe affaire. Je suis là parce qu'il y a grave l'oseille à faire. La juge nous a dit que le logement était précaire. Aujourd'hui, j'investis comme dans un plaid après la guerre. Quand j'ai fini le jeu, j'ai croisé des mauvais joueurs. Rejoins mon équipe, y'a de la place dans le challenger. Obligé de faire le pont entre le caviar et le kefta. Normal qu'elle dise oui, vu l'épaisseur de la kishta. On a trop souffert, on a trop goûté la hesse. En te montant l'air, même si tu reviens du hedge. 100 ans de salaire dans un coffre au Panama. Rafale dans les dents devant Baba et Mama. On a trop souffert, on a trop goûté la hesse. En te montant l'air, même si tu reviens du hedge. 100 ans de salaire dans un coffre au Panama. Rafale dans les dents devant Baba et Mama. Le déloger du trône, je suis curieux, je demande à voir. Sois reconnaissant et le Nord s'en souviendra. Mes forces me quittent, je n'ai plus de batterie. Je ne serai pas de la partie, enfant de la patrie. Ma patience a des limites, tu vas me redonner mes sous. Même si je dois mettre tout ni à sang dessus dessous. Je vois des trucs de fou, moi, depuis que je monte en flèche. Des boissons qui ressemblent à de l'eau, des trucs blancs comme de la neige. Je prends mes précautions au pays de la tour Eiffel. Sache que le tonnerre gronde 4 secondes après l'éclair. C'est pour les plus déterres, des heures sur on bat des tours. Dites-leur qu'on peut bronzer à proximité du four. On a trop souffert, on a trop goûté la hesse. En te montant l'air, même si tu reviens du hedge. 100 ans de salaire.